Le président directeur général de la compagnie à responsabilité limitée Almagest de Russie et l'administrateur général de la compagnie LTD du groupe Jinho de Chine ont offert les présents au maréchal Kim Jong-un. Les présents ont été remis aux ambassadeurs coréens dans leur pays.